chapter, le pasteur Jean-Robert Pierre a nous partagé la parole de Dieu. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les êtres qui meurent. Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit dans leur disant, fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et la subjugez. Commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meurent sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant entendu du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et aux animaux sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre et possède une âme vivante, toute verdure végétale sera nourriture. Et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. C'était éminemment bien. Le soir se fit, puis le matin. Ce fut le sixième jour. Que le Seigneur bénisse sa parole pour notre édification. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Quel appel? Quel impératif? L'homme, le chef-d'œuvre de la création du grand Dieu. La création de l'éternel désormais du grand architecte de l'univers. Dieu, après avoir tout créé, invite le conseil céleste à façonner l'homme. Cette créature est d'une spécialité extraordinaire. Nous ne saurions la faire parvenir à l'existence au moyen d'un simple mot, d'une seule parole. Nous rappelons au début du chapitre, chaque fois l'Éternel, Dieu, qui disait que la lumière soit, et le texte nous dit, et la lumière fut. Okay. C'est ainsi. Chaque fois, nous n'avons pas pris le temps de lire parce que vous connaissez le texte tellement bien. Mais, rendu à l'homme, Dieu a dû prendre une disposition tout à fait particulière. Faisons-la. Alors, là, et selon notre ressemblance. Parce que son cas demande une attention particulière, une attention soutenue. Alors, assoyons-nous et fabriquons-le. Nous sommes fabriqués. Et non des êtres qui parviennent à l'existence au moyen d'une parole d'une seule. Avant d'aller plus loin, j'ai avec moi un livre qui nous parle du récit de la création, enfin c'est le livre de la Genèse. J'ai écrit quelque chose en concernant ce pluriel employé par l'Éternel des armées. Il y a un auteur juif du nom de Rashi qui parle, et d'après l'auteur que j'ai cité puis ce livre et du monde, Rachid explique, bien que personne n'était des dieux dans l'œuvre de la création, et que les hérétiques puissent tirer parti de ce pluriel contre le monothéisme, les hérétiques, c'est-à-dire c'est les gens qui sont dans l'erreur, qui ne parlent pas selon la vérité, et puis enfin, selon la vérité biblique, selon ce qui est dans la Bible, et plus particulièrement dans ce cas-ci, selon le judaïsme. Alors, Rachid dit, et que les hérétiques puissent tirer parti de ce pluriel contre le monothéisme, la Torah n'a pas voulu manquer de donner une leçon et d'enseigner la vertu de modestie. Le supérieur doit prendre avis et demander autorisation auprès de son inférieur. Si la Torah avait écrit « Je ferai l'homme selon cela », n'aurait pas appris que Dieu a consulté son conseil, mais qu'il a formé son projet seul. Mais la réponse aux hérétiques est donnée dans le verset qui suit immédiatement « Et Dieu créa l'homme ». Le texte ne porte pas « et ils créèrent », c'est-à-dire le pluriel. On ne continue pas d'utiliser le pluriel. Je m'en vais un petit peu plus bas dans ce raisonnement-là pour vous dire il dit ici « Dieu répondit, alors Moïse à un moment donné, disait, pourquoi donnes-tu prétexte aux hérétiques de voir leur théorie polythéiste confirmée par les paroles? Faisons l'homme. Alors Dieu répondit, écris, c'est moi qui commande, et que celui qui veut faire erreur, fasse erreur. Puisque l'homme sera le maître de la création, il convient que je demande leur consentement au sphère supérieur et au sphère inférieur, afin de le créer. Les hommes apprendront de moi que le plus grand doit demander son consentement au plus petit, avant de lui imposer un chef. Alors, voilà comment Rashi, et bien sûr, les livres qui commentent les saintes écritures expliquent faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'était une parenthèse que j'ai voulu ouvrir pour parler de ce pluriel un petit peu, mais ce n'est pas le pluriel comme tel qui nous intéresse. Vous comprenez bien ce qui nous intéresse, c'est le fait que vous et moi, nous sommes façonnés à l'image et à la ressemblance. La raison pour laquelle, une fois de plus, David a dit au psaume 69, verset 14, « Je te loue, Père, du fait que tu fais de moi une créature si merveilleuse. » Je suis resté accroché aussi. C'est le « si » qui m'attire au plus haut point. « Si merveilleuse. » Je trouve ceci-là vraiment extraordinaire. Ce n'est pas seulement une créature merveilleuse, mais c'est une créature si merveilleuse. C'est extraordinaire. À notre image et selon notre ressemblance, il y a un auteur juif du nom de Namanide. D'après lui, il dit la meilleure de toutes les explications données de ce verset est celle qui rapporte à l'aspect et à l'expression du visage et à la forme corporelle qui ressemble à celle des êtres terrestres, car l'homme ressemble par son corps à ceux-ci, c'est-à-dire aux êtres terrestres, et par son âme aux êtres spirituels. C'est avant tout sur le visage de l'homme saint, juste, animé de sagesse, de bonté et d'amour que se reflète l'image de Dieu. Sa grandeur d'âme répand la grâce sur ses traits. Son intelligence illumine son regard et la flamme intérieure confère à tout son être cet éclat rayonnant qui fait dire David en parlant de l'homme, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Au psaume chapitre 8, verset 6. L'homme est créé à l'image de Dieu en ce sens qu'il porte en lui une étincelle de l'esprit divin. Grâce à celle-ci, l'homme est unique ici-bas, comme Dieu est unique là-haut dans les cieux. Ce que je veux dire par là, c'est que l'homme créé au sixième jour, après toutes les autres créatures de Dieu, après même le soleil, après la lune, après les étoiles, après la terre, les eaux et tout le reste, Dieu s'est assis pour façonner l'homme, il le prend une place là, au-dessus de tout ça. En bon créole, il prend une nécessité psychique. Il était là. Voilà. Et Dieu, dans sa grâce, va le confirmer dans cette position pour le temps, pour la vie. Il va le confirmer. L'homme est le seul ici-bas à connaître le bien et aussi le mal. Car seul parmi toutes les créatures, il possède quoi? Le libre arbitre. Il est le seul à posséder le libre arbitre. Aussi a-t-il le pouvoir de dominer la matière par son esprit, par son intelligence, cette intelligence qu'il hérite du Dieu trois fois seul. Grâce à cette étincelle reçue, son âme est immortelle et la lumière de l'intelligence qu'elle allume en l'homme lui permet de connaître Dieu, de l'aimer et avec lui, l'union avec Dieu. C'est seulement dimanche dernier que Seb nous a parlé de cette relation intime que nous avons avec Dieu, cette relation que nous devons maintenir en tant qu'enfant de Dieu en Jésus-Christ, en tant que gens sauvés par le sang de Christ. Nous devons la maintenir, cette relation. Comment? Par la prière. Comment encore? Par la lecture de la parole inspirée de Dieu. C'est en insufflant dans ses narines le souffle de vie, Genèse 2:7, que Dieu communique à chaque être humain cette étincelle divine. Mais sa forme corporelle, quoique poussière de la terre, est façonnée elle aussi à la ressemblance de Dieu. Quand même. En effet, pour le sage Judas Halevi, l'interprétation des termes image et ressemblance est inscrite dans la conception dite du microcosme, selon laquelle l'homme, univers en miniature, reflète exactement dans sa constitution corporelle et psychique la structure du grand monde, le macrocosme. Cette théorie nous montre le parallélisme qui existe entre l'homme dans sa constitution physique et l'âme universelle dans sa structure fonctionnelle. Cela dit, l'homme représente en quelque sorte l'ombre projetée sur terre par sa sainte majesté divine. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Et c'est pour cela justement que nous n'avons pas le droit de nous comporter n'importe comment. La Bible dit « Dieu est saint ». Et ceux-là qui s'approchent de lui doivent se purifier. Ils doivent être sanctifiés. Et c'est pour ça que malgré nous, malgré ce corps dans lequel nous fonctionnons, il y a le vivant de ce corps. C'est dimanche dernier, il y a le frère Saint-Creux. Il a une belle expression. Il a une belle expression pour parler du corps. Comment tu dis ça déjà? Ce fidèle compagnon. Cet ami intime. Il y a une autre. Si. Comme c'est tout un poème. Ce fidèle compagnon. Cet ami intime. C'est un monstre discret. C'est un monstre. Ce corps. Un monstre discret, ce corps. Mais Dieu veut que nous y soyons. Dieu veut que nous évoluions à l'intérieur de ce monstre discret. Dieu veut qu'à l'intérieur de ce monstre discret, que nous soyons ses représentants, son propre flambeau dans le monde. Et c'est pour ça qu'il dit, faisons l'homme, faisons l'être humain à notre image et selon notre ressemblance. En effet, oui, cette théorie établit le parallélisme. L'homme représente l'ombre projetée de Dieu sur nous. Verset 27, là je dis, le texte dit, Dieu créa l'homme à son image, et il insiste pour dire, c'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Ce n'est pas dans une autre image, à l'image de Dieu qu'il le créa. Parce que l'insistance avec laquelle la Bible met l'accent sur le fait que l'homme s'est créé à l'image de Dieu, nous permet de présumer des motifs qui furent à l'origine de la création. L'homme apparaît comme étant l'échelon suprême, le dernier, l'échelon extraordinaire dans la hiérarchie des créatures. Et si l'Éternel voulut que cet être perfectionné soit formé à son image, la raison n'en put être que le désir de faire partager sa béatitude éternelle à des créatures éblouissantes. C'est une grâce. C'est une grâce de Dieu, le fait qu'il se sent poussé à faire partager cette béatitude avec des créatures qui lui ressemblent. En fait, même le ciel et la terre, ce fut par amour que Dieu les a créés. Non? Pensez pas. Quand nous voyons le soleil, se lever, bien sûr, ici en Amérique du Nord, après avoir connu les jours, les premiers jours de la semaine passée, on apprend à apprécier beaucoup plus encore le soleil. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous vous rappelez, David, ce que David a dit au psaume 18, le soleil apparaît comme un roi qui sort de sa chambre, vêtu de son manteau pour s'épancher dans la carrière. Vous comprenez? Dieu a fait tout ça pour nous. Lui, le roi tout-puissant, qui se suffit absolument à lui-même, renonce volontairement un instant à une partie de son être pour prodiguer son amour à ses semblables. Il se replia sur lui-même, faisant don de son être aux humains et à cet acte d'abnégation produisit l'espace. Les rapports de Dieu avec la vie universelle furent ainsi inaugurés par l'amour. Et c'est de même l'amour qui éveille au berceau même de la vie humaine. Le texte, le cœur continue pour nous dire, c'était éminemment bien, extraordinairement bien. Alors que l'œuvre des jours précédents, eh bien, est jugée simplement bonne, celle du dernier jour de la création est qualifiée de très bonne. Très bonne. Et Dieu dit que c'était très bon. C'est ce que nous disons, non? Et Dieu dit que c'était très bon. Et nous n'en manquons rien. L'excellence de toute œuvre n'apparaît en effet que lorsqu'elle est finie et achevée. Tandis que ces parties considérées isolément peuvent sembler n'être que relativement bonnes en raison même de leur caractère d'ouvrage partiel et imparfait. Mais il résulte également du fait que la connaissance juste suppose une vue d'ensemble de l'objet et de ses attributs. Cela dit, cette création que Dieu nous donne en cadeau est un tout harmonieux. Il y a de l'harmonie là-dedans au sein même de cette création. C'est en le considérant comme tel qu'on arrive à reconnaître l'âme vivante qui anime toutes les parties de l'univers. Moralement et physiquement, l'homme dispose d'une manière qui n'est pas la meilleure possible, mais la seule bonne. L'homme dispose de la seule manière bonne. Pas la manière possiblement bonne, mais la seule bonne. Il n'en existe pas d'autre. Cette manière, malgré ses vices évidents, correspond en réalité au plan divin, consciemment et librement exécuté. Et l'on peut prétendre que si Dieu n'était pas sûr que la création telle qu'elle est sortie de ses mains était seule capable de réaliser du but assigné, il l'aurait façonné d'une manière différente. Donc, telle qu'elle se présente, elle doit être capable de parvenir au terme de sa perfection et doit contenir dans sa constitution imperfecte tous les éléments qui y contribueront. À l'homme de les déterminer, de les dégager, de les mettre en activité et de parachever ainsi l'œuvre des six jours. Parce que Dieu l'établit au-dessus de toute son œuvre. Pour accomplir sa mission, en outre, Dieu a déposé en nous pas moins que cette merveille que nous nous contemplerons de vous citer seulement. Dieu dote l'homme de mécanismes pour faire face à cette mission qui les tombe. La première merveille, mes bien-aimés, de Dieu en l'homme, c'est la vision. La vue, Dieu nous donne la vision. Non, ce n'est pas une merveille. Quand on se lève chaque matin, quand on se lève chaque matin, on regarde. Quand, chez nous, quand je me lève chaque matin, la première chose que je fais, j'ouvre les champs. Il faut que je vois les lumières. Il faut que je vois les lumières. Dès que je me lève, Dieu nous donne la vision. Perception du monde extérieur par les organes de la vue. Mécanisme physiologique par lequel les stimulus lumineux donnent naissance à des sensations. C'est l'explication du dictionnaire. La deuxième merveille, c'est que Dieu nous donne oui, l'audition, il nous permet d'entendre ce qui se dit, ce qui se passe. Non seulement nous voyons ce qui se fait, non seulement nous sommes en mesure de contempler l'univers, la nature que Dieu a créée, dans son amour immensément grand, mais il nous permet aussi d'entendre le chant des oiseaux. J'aime beaucoup aller aux États-Unis en été. Savez-vous pourquoi? Pour écouter la cigale chanter. C'est tellement beau le matin. 5h30, 6h du matin, on entend la cigale chanter. La première fois que je l'ai entendue, c'était à Queens, pendant qu'on était à Queens. J'ai entendu la cigale qui était en train de chanter. C'est extraordinaire. C'est une expérience, si vous ne l'avez pas faite encore, ce n'est une affaire avec nous. La troisième merveille de Dieu en nous, c'est quoi, pensez-vous? Ça. Hein? Il nous permet de sentir. Nous sommes capables de sentir ça bon, et nous sommes capables de faire la différence de ça bon, d'avec ça qui pas bon. Non. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une merveille. Extraordinaire. Fonction du sens de l'ouïe pour la perception des pour, par, pardon, fonction par laquelle l'homme perçoit les odeurs. La quatrième, c'est le goût, la gustation qui permet la perception des saveurs par le goût. Quand on goûte, on se et quand on dit ça c'est bon, hein, on donne gloire aussi à Dieu. On donne gloire à Dieu. Hein, quand on sent la bonne odeur, qu'il s'agisse d'un parfum ou bien d'une fleur, hein, on donne gloire à Dieu. On donne gloire à Dieu. La cinquième merveille, eh bien, c'est la sensation, le toucher. Phénomène, nous dit le dictionnaire, phénomène psychophysiologie par lequel une stimulation externe ou interne a un effet modificateur spécifique sur l'être vivant et conscient, état psychologique à forte composante affective. Lorsqu'on touche, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, tels s'être voués pour qu'ils reçoivent un toucher humain. Un toucher humain. Je me donne le sens du toucher. Sixièmement, je nous donne la compassion, l'émotion, sentiment qui porte à plaire et à partager les mots d'autrui, partager avec les autres, avec ceux-là qui souffrent dans leur corps, dans leur âme aussi, dans leur esprit, la raison pour laquelle que c'est le devoir de l'Église de faire quoi? De prier pour eux, de les visiter aussi, de les encourager, de les soutenir dans leur détresse, dans leur calamité, dans leur souffrance. Quand on le fait, eh bien, ils se sentent appartenus à la grande famille, à la famille de Dieu. C'est pas qu'ils se sentent honorés. Non, nous ne les honorerons pas, nous ne les vénérerons pas lorsque nous agissons ici envers eux, à leur endroit, mais nous honorons Dieu parce que c'est lui qui donne le pouvoir et le faire aussi. Ce n'est pas eux. La septième merveille que Dieu nous donne, c'est l'amour, je dis l'appréciation, hein? Je mets à côté de l'amour l'appréciation, et même je dis l'appréciation qui débouche sur l'amour. C'est de cette façon que, enfin, j'ai essayé de le comprendre. Appréciation, parce que action d'apprécier, c'est de déterminer le prix. Déterminer la valeur de. Deuxièmement, l'amour, qui n'est pas une disposition favorable de l'affectivité et de la volonté à l'égard de ce qui est senti ou reconnu comme bon. Et pour coordonner cette merveille, je mets en nous le sens de la compréhension. La compréhension. En fait, quand on voit, on scrute, on cherche à comprendre, on se pose des questions pour mieux comprendre. On veut savoir. Ainsi, l'aveugle Bartimée répondait à la question de Jésus, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabbi, que je recouvre la vue. » Il n'a pas dit que j'ai de l'argent. Que je recouvre la vue. Vous comprenez? Et les disciples ont demandé à Jésus concernant l'aveugle né, qu'est-ce qu'il a fait pour naître à aveugle? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Vous comprenez? Parce que cette merveille-là est tellement suprême, les gens n'arrivent pas à comprendre comment se fait-il que quelqu'un soit né déjà à son plan. Le texte de Bartimée, vous le trouvez en Marc chapitre 10, verset 51. Quand on entend aussi, on comprend. Sinon, on pose des questions pour pouvoir comprendre. Nous avons toute une panoplie de textes. Deutéronome chapitre 29, verset 4. Mais là, nous disons, mais jusqu'à ce jour, le Seigneur ne vous a pas donné un cœur pour connaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Ézéchiel chapitre 12, verset 2. Humain, tu habites au milieu de la maison rebelle de gens qui ont des yeux pour voir et qui ne voient pas, qui ont des oreilles pour entendre et qui n'entendent pas, car c'est une maison rebelle. Ézéchiel chapitre 12, verset 2. Marc chapitre 4, verset 9, et il dit, c'est Jésus qui parle ici, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Marc chapitre 4, verset 23, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Tandis que Luc 8, 8 nous dit, une autre partie tomba dans la bonne terre, quand elle poussa, elle produisit du fruit au centuple. En disant cela, il s'écriait. Cette fois-ci, Jésus s'est écrié plus fort. Il a ouvert plus fort, plus grand encore sa bouche pour crier et dire celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende encore. Et Luc 14, 35, il ne vaut ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Cela prend l'odorat aussi pour sentir les odeurs. Non? Les odeurs, et comprendre, quand on sent, on comprend aussi, même si on est dans la noirceur, hein, au moyen de cette merveille que Dieu nous donne, nous pouvons dire de quoi il s'agit automatiquement, hein, qu'on arrive à sentir. Et nous avons aussi des textes qui en parlent. Exode 38. Quiconque en fera un semblable pour en sentir l'odeur sera retranché de son peuple. Vous comprenez de quoi il s'agit. Deutéronome 4, 28. Là, vous servirez des dieux qui sont l'œuvre de mes humaine, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Ça, ce sont les dieux idolâtres. C'est de l'idolâtrie parce que ces dieux-là, ces divinités-là, ne sont capables d'aucune chose. Le goût n'a-t-il pas son retentissant écho au début même du ministère de Jésus? Matthieu chapitre 5, verset 13. Là, lorsque le Seigneur a parlé du sel, vous êtes le sel de la terre. Si le sel arrive à perdre sa saveur, son goût, avec quoi la nuit rendra-t-on? Et en Jean chapitre 2, verset 9, là aussi, lorsque le premier miracle de Jésus, lorsqu'il a changé l'eau en vin, eh bien, il a demandé aux serviteurs d'en puiser et d'en apporter aux ordonnateurs du repas. Eh bien, quand il goûtait, et puis il a dit, mais écoutez, c'est ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous avez, depuis tout ce temps, servi le mauvais vin, le vin qui ne goûte pas bon, et puis vous gardez en réserve le meilleur. Voyez-vous, le goût, au toucher, quel miracle n'a-t-il pas produit? Le toucher. Le toucher. Oh, j'en ai compté plusieurs fois. Qu'on trouve le toucher dans la vie. Toucher avec accenté 17 fois. Touche 47 fois. Et toucher EZ 7 fois. Toucher. Compassion. Matthieu 9, 36. À la vue des foules, il fut ému de compassion. Car les foules étaient lassées et abattues comme des moutons qui n'ont pas de berger. Là, Jésus a compassion avec la foule. Matthieu 14, 14 aussi. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule et il fut ému. Il guérit leur maladie. Il guérit leur maladie. Il faut être compatissant. Il faut avoir de la compassion, il faut être sensible pour secourir les pauvres, pour avoir sur le cœur les malades, ceux-là qui souffrent, ceux-là qui sont en proie aux maladies. Matthieu 15, 32, Jésus appela ses disciples et dit, je suis venu par cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et qu'ils n'ont rien à manger. Je ne peux pas les envoyer à eux, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. Regardez, de peur qu'ils ne tombent en chemin. Pour ne pas tomber faiblesse, non. Alors, il faut leur donner à manger. Voilà qui a occasionné la multiplication des pains. Le récit rapporte que les gens ont mangé, hein, ils sont rassasiés et on a conservé les restes. L'amour s'offre plus fois dans l'Église. Seulement le mot amour s'offre plus fois. Et après le fameux texte de Jean qui nous parle de Dieu qui est l'amour, je crois que c'est Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui tape le pion avec son refrain de Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, nous allons voir ce qu'il a pour toi ici. C'est tellement beau ce qu'il dit. Nous n'allons pas tout lire, puisque vous le connaissez aussi le texte. Mais à partir du verset 4 à 7, là l'apôtre dit, dans certaines Bibles, il dit la charité. Pourquoi on dit la charité? Parce qu'on, pourquoi on dit amour? C'est parce que c'est tout simplement le même mot grec qu'on traduit par amour ici, qu'on traduit aussi par charité. Il dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Vous voyez? L'amour ne se veut point. L'amour ne s'offre point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'évite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. C'est bon pour lui. Et pourtant, vous connaissez bien que c'était juste, si c'est pas vrai, mais c'est bon pour lui. L'amour ne serait plus point de l'injustice, mais l'amour se réduit de la vérité. Quand c'est la vérité, faut-il ne pas dire quand même c'est bon pour lui, mais la faire sortir le Seigneur. La faire sortir la personne, la mettre à genoux, la prier en son nom. C'est ça. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande aussi. Il faut que nous nous supportions, il faut que nous nous épaulions. En tant que gens façonnés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et par-dessus le marché, sauvés par le sang de Jésus. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Il m'a dit un jour, il dit, ah, ça dit non. Il dit, oui, même pas quoi, non. Ce qu'il vient de me dire là, je l'entends, mais je ne crois pas. Je ne crois pas quitter. Je prends la plus grande scène. L'amour excuse tout, l'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte du temps. Lorsque Kouba est venu, nous faisons mal. Nous souffrons, nous gémissons, nous pleurons. Nous crions même comme des enfants, comme des bébés là-là. C'est comme si nous portons encore la couche. Tellement nous pleurons. Mais, par amour, nous supportons. Que nous vivons en espérance. Derrière, il y a un petit chemin. vivre non pas même monde encore, parce que non pas vivre en espérance. Mais bien aimé, vous ne comprenez pas que nous devons être très reconnaissants au Seigneur pour ces merveilles? Non? Les sept merveilles, parmi tant d'autres, hein? Ce matin, avant de me lever, j'étais en train de me réfléchir. Je me mets. Elles sont-ils dans la tête? Une autre fois, nous en parlerons. Faut-il que nous nous arrêtions ici? Mais ça nous prend du temps pour réellement décortiquer ces merveilles. Ces merveilles que Dieu, dans sa grâce, nous donne. Parce que il lui a plu de nous créer tels que nous sommes, mais à son image et à sa ressemblance. À son image et à sa ressemblance. Parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, nous devons toujours lui dire merci. Merci. Merci pour mes yeux, parce qu'il y a beaucoup qui aimeraient voir, comme Bartimée, qui ne peuvent pas voir, qui aimeraient contempler ce que moi je suis en train de voir, qui ne peuvent pas. Il y a beaucoup qui aimeraient entendre ce que moi je suis en train d'écouter lorsque la musique est en train de nous chatouiller les oreilles. C'est tellement fin, c'est tellement doux. Lorsque j'entends le frère Sécoin parler de ce compagnon inséparable, mais en même temps, ce monstre dans lequel nous nous réfugions tous, c'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est extraordinaire. Lorsque nous sentons la bonne odeur, que serait-ce pour distinguer, pour faire la différence entre la bonne et la mauvaise? Lorsque nous goûtons le mort, surtout lorsque la bonne est la vie. Alors, oh oui! Oh oui! Alors, chaque fois, la prochaine fois que vous allez manger, dis-lui doublement, triplement, aimablement, merci du fait qu'il nous fait grâce de cette merveille de goûter, de savourer et de voir. Mais non, le lendemain, c'est pas comme. C'est tout un plat, c'est un autre plat. Vous riez de faire. Hein? Il n'est pas réservé non plus à tout le monde d'avoir de la passion, de la compassion pour d'autres. Mais Dieu nous en fait grâce. Quand il n'est pas réservé à tout le monde d'apprécier, voire d'aimer pour de frères. Mais Dieu nous en fait grâce. Dieu fait en sorte que Serge un jour pouvait dire à Pete, je t'aime. J'ai besoin d'une femme, d'une épouse, surtout d'une épouse fidèle au Seigneur. Veux-tu être cette femme dont je suis en quête? Et c'est ce que tout le monde ici en fait. Yes. Et c'est ce que Solette a fait. Amen. Amen. Quand elle a dit oui à Jean. C'est ce que nous tous nous avons fait. Combien de nuits sans sommeil n'avez-vous pas passé? Hein? Avant de mettre la main sur cette perle rare. Combien de nuits sans sommeil avez-vous déjà passé pour dire merci au Seigneur? Du fait qu'il a mis entre vos mains, dans vos bras, cette perle rare. Je m'arrête. courage. Bien aimé, le Seigneur, prions. Oh Seigneur, comme tu es bon, comme tu es merveilleux. Tu es la merveille même. C'est parce que tu es merveille. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu nous donnes? Merci. Permets que tous ici présents, tous, visiteurs ou pas, tous, chrétiens ou pas, tous, faire en sorte que nous soyons capables de te dire merci pour le temps et pour l'éternité, à cause de toutes ces grâces. Parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Bénis-moi.